Thank you.

Try to Overload. sinon, si t'as un effet à me conseiller, dis-moi. Parce que je vois le nom de tous les effets ici, là. Mais à l'heure actuelle, tu vois, ça... C'est pas trop des... Enfin, c'est juste au niveau son. Je suis peut-être un peu difficile, mais... C'est juste au niveau son, là. J'ai du mal à... C'est au niveau des fréquences, en fait. Après, il faut régler, hein, comme toute chose, hein. Mais les pré-effets tels qu'ils existent actuellement, bah, sincèrement, non, c'est pas trop ça. Ça devrait faire l'affaire.